Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, comment allez-vous en ce 10 septembre, deuxième émission, enfin pour la reprise après les vacances, et 625e numéro d'Electric Shock, voilà pour ce soir. Bon, sinon, j'espère que tout va bien, car j'ai quelques nouveautés, comme toutes les semaines. J'ai 4 nouveautés à vous proposer. Des petites choses aussi un petit peu anciennes que j'ai pas encore eu le temps de vous passer. Et puis du très lourd, comme par exemple, je l'ai reçu la semaine dernière, le dernier Slipknot, qui est vraiment une tuerie, qu'on découvrira donc tout à l'heure. Et aussi on fera un petit détour de ce qui a suivi, de ce qui a été, ce qui est sorti cet été et un petit peu avant. On commence tout de suite avec une des sorties de cet été. C'est le live de Ian Gillan with the Donnery Band with an Orchestra que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est vrai, quand on nous parle de retraite à 60 ans, ça nous fait marrer quand on voit que Ian Gillan, il va sur ses 75 ans et qu'il assure toujours autant et que pour lui la retraite n'a pas sonné. Quelque part pour nous, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, quand il a un peu de temps libre, qu'est-ce qu'il fait au lieu de se reposer de Deep Purple? Non, il continue puisqu'avec il a fait quelques concerts avec Donnery en Europe de l'Est justement. Et on a profité pour enregistrer et filmer leur concert, là, en l'occurrence c'est à Varsovie, pour réinterpréter quelques vieux morceaux de son répertoire et aussi des petits morceaux de Deep Purple quelque peu oubliés, comme par exemple ce Razzle Dazzle qui figurait sur Bananas. Bananas, pour les petites histoires, c'était le premier album où figurait Don Airey qui remplaçait John Lord en 2003. Allez, on commence avec ça. sky. On a bien commencé rock'n'roll avec tout la tête de mécanique à l'instant, extrait du live in Newcastle 2001, sorti cet été, qui est donc une réédition, puisqu'à l'origine, ce concert figurait dans un coffret qui s'intitulait The Soundboard Series, qui était sorti fin 2001 et qui est vraiment introuvable, donc on peut dire que c'est quand même intéressant que ce soit ressorti. Juste avant, par contre, c'était Ian Gillan with the Don Airey Band with Orchestra, avec le morceau Razzle Dazzle, qui est un extrait de l'album studio Bananas, sorti en 2003, le premier avec Don Airey. Et là, donc, c'est extrait du CD Contractual Obligation No. 2, Live in Warsaw, sorti cet été également. Et bien maintenant, on va se faire la première nouveauté avec du très lourd, comme je vous le disais, avec ce qui sera certainement un de mes albums coup de cœur de l'année, parce que là, depuis lundi que dernier que je l'ai reçu, je l'écoute en boucle, et plus je l'écoute, plus je découvre des choses. C'est le nouveau Slipknot, leur sixième We Are Not Your Kind, qui est donc sorti début août. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, ça fait déjà un moment qu'ils l'ont et qu'ils l'ont déjà bien assimilé, mais moi pour ma part, j'en suis encore au stade de la découverte. Alors je pense que les fans de la première heure des deux premiers albums vont être un petit peu déçus, parce qu'ils vont peut-être pas y retrouver ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire de l'ultra-violence non-stop. Certes, Slipknot n'est toujours pas à chanter des berceuses pour les petits-enfants, ça c'est clair que je pense que ça n'arrivera jamais. Mais par contre, Slipknot maintenant varie les plaisirs, change de registre, on a du chant clair, des passages acoustiques, des passages plus glauques, des ralentissements, enfin... Bref, une vision beaucoup plus schizophrène que du groupe qu'avant, ce qui était déjà le cas depuis, je trouve, les deux derniers précédents albums, mais celui-ci est encore plus poussé et bénéficie d'une prod vraiment remarquable. Donc on va s'envoyer le premier morceau de la soirée, qui est le single Unscented. Alors si vous ne le connaissez pas déjà, c'est avec ses chœurs, sa chorale juste avant, ça donne vraiment une ambiance très très particulière, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. Et vous avez peut-être déjà vu le clip qui est bien malsain. Et une petite intro qui s'appelle Insert Coin pour mettre dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? J'imagine qu'il reste plus un morceau de cérumen dans le creux des oreilles. Moi, il y a longtemps qu'il n'y en a plus, hein. J'ai encore les oreilles qui sifflent. Slipknot avec le morceau Unscented, qui est le single, et la petite intro Insert Coin, donc extrait de l'album We Are Not Your Kind, sorti début août, mais qu'on vient juste de recevoir. Et ça, croyez-moi, vous allez en avoir dans les semaines qui vont suivre, parce que je crois que ça va faire partie des musts de l'année 2009 en ce qui concerne Electric Shock. Ça, c'est sûr. On va calmer le jeu maintenant pour se remettre un petit peu de tout ça. Et on va revenir au live posthume de Soundgarden qui est sorti cet été, qui avait été enregistré en 2013 pendant la tournée King Animal, qui était leur sixième album. Donc extrait de ce live from the artist Den. On va se faire donc allez, deux petits extraits de du dit King Animal. Tout d'abord, Been Away Too Long. Yeah. First Dream et Been Away Too Long, donc deux extraits du Live from the Artist Den, le live posthume de Soundgarden. Quand on écoute ça, on se dit quel dommage quand même, parce que je pense que le groupe avait encore des bonnes choses à nous apporter. Mais enfin bon, on se consolera quand même avec tous les beaux disques que Soundgarden a fait et sa magnifique carrière. Bon, continuons maintenant beaucoup plus rock'n'roll avec le nouvel opus de Volbeat. Pareil, sorti début août. Un album que je vous ai présenté la semaine dernière, que je vous disais moins métal peut-être que le précédent, mais beaucoup plus varié dans ses styles. Vous savez, Volbeat, c'est toujours ce mélange de rock, de punk, de métal, enfin de country aussi, enfin de plein de choses. Et il y a un morceau qui fait très rockabilly, je trouve, où il figure aussi Neil Fallon de Clutch en duo sur ce Rewind, Replay, Rebound. C'est ce Die to Live. Avec ça, si vous ne dansez pas dans votre salon, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Call the cops, call the drugs and the Santa. shaking and the girl is on the floor. Without you, love, we can go back to the morning light and the mail will be there too. Call the cops at the home address and they send them home by noon. Let it burn, let it burn. Peut-être pas métal, mais qu'est-ce que c'est bon. C'était les Stray Cats avec un extrait de leur album 40. Pourquoi 40? Tout simplement pour faire célébrer leurs 40 ans de carrière. Et c'était Attract Trouble, extrait donc de leur album, donc sorti au printemps dernier. Juste avant, sorti cet été, c'était Volbeat avec Die to Live featuring Neil Fallon, extrait de Rewind, Replay, Rebound, un morceau très rock'n'roll lui aussi, même s'il y a d'autres choses beaucoup plus musclées et beaucoup plus variées sur cet album. Deuxième nouveauté de la soirée avec quelque chose d'un petit peu plus furieux, avec un groupe qui s'appelle Hannibal Death Machine. Alors, Hannibal Death Machine, c'est un groupe qui existe depuis 2014, qui est Made in France, qui fait plutôt dans le métal industriel. Ils ont déjà sorti un premier album qui s'appelait Birth en 2015. Et là, ils viennent de nous sortir, enfin, c'est sorti en début d'année, puisque c'est sorti fin février exactement, un EP qui s'appelle tout simplement À bout de souffle. Et le concept de ce EP, c'est ni plus ni moins que la traite, la chute du modèle libéral capitaliste. Bon, on attend tout ça avec impatience, mais enfin, pour l'instant, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Enfin, ça n'empêche que ça nous permet de se défouler, par exemple, avec ce petit brûlot qui s'appelle Pantin d'acier. Pantin d'acier, rythmé par le vacarme de la machine mère, visée, réduite à la loi de la productivité. Nostalgique dans le lointain statut d'humanité, cherche un peu d'amour, un peu de chaleur dans la moiteur de cet univers confiné. Visage sans âme, visage froid, visage, visage sans âme, visage froid, visage. Visage sans âme, visage froid, visage sans âme, visage froid, visage sans âme, visage froid, visage sans âme, visage froid, visage sans âme. Penetrate slowly in you. We are the I know you better than anyone. The poison of your enemy, the father of your son. Control your brains until you kill a shit and move it and you eat your brains. From the build already made. You say you will this building. You think you know this. Swallow this world everybody. Swallowing their carelessness. TV. You know, well, love not yours. Give you the first lesson. If you give up, you die alone. The more you steal, less you grumble. Becoming fast, incoming sound effect. The world not control, the body from its back. We're becoming fast, incoming sound effect. The world not control, the body from its back. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé un petit paquet avec les Foo Fighters de Down Trigger, que vous devez commencer à connaître. Ça fait déjà quelques semaines qu'on se passe des petits extraits de Zen the Chaos, leur dernier album. Et ce soir, c'était Turn Me Off. Juste avant, c'était une des nouveautés de la semaine avec le groupe Hannibal Death Machine et son EP À bout de souffle. Et ce soir, vous avez droit au morceau Pantin d'acier. Electric Shock, vous le savez, c'est tous les métals, et pas que, puisqu'on fait aussi beaucoup d'incursions dans le rock et le blues. La preuve, c'est qu'on va revenir maintenant au fabuleux live de Goth Mule, Bring On The Music, live à The Capitol Theater, qui est sorti au mois de juin et qui a été enregistré donc l'année dernière, pour célébrer les 25 ans de carrière de ce groupe mythique. Donc on va se faire un petit extrait de ce live, avec un morceau qui s'appelle Funny Little Tragedy, qui pour info était sur l'album Shout, sorti en 2013. Et dans ce morceau, si vous écoutez bien, il y a un petit clin d'œil au groupe Police, avec un petit clin d'œil à Message in a Bottle. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sending out an SOS, sending out an SOS. Mule, donc comme je vous disais tout à l'heure, un extrait du fabuleux Bring on the Music live de Capitol Theater. Quand je dis fabuleux, comme tous les lives de Ghost Mule d'ailleurs, et c'était Funny Little Tragedy avec un petit encart Message in a Bottle de The Police, que vous aurez reconnu bien évidemment. Mais après tout ça, on va se faire du pur métal avec un live de Riot V sorti cet été. Riot V qui, je vous rappelle, n'est ni plus ni moins que la nouvelle incarnation du groupe Riot, groupe culte, groupe qui normalement aurait dû devenir un groupe majeur de la scène hard rock des années 80-90, mais bon, qui n'a jamais vraiment eu de bol, hein. Bon, c'est le destin, c'est comme ça, mais bon, qui a toujours continué contre vent et marée. Et on aurait pu penser, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, que la mort de Mark Quill, le guitariste fondateur et quasiment, on va dire, l'âme du groupe, son décès en 2012, aurait pu mettre la fin au groupe, mais pas du tout. En fait, les musiciens qui composent la dernière mouture de Riot se sont dit que ce serait dommage d'arrêter là, rien que par... en hommage à Mark Quill. Et du coup, Riot V a continué. Ils ont déjà fait donc deux albums studio. Et là, donc, ils viennent de sortir un pack CD-DVD enregistré au Japon l'année dernière. Donc, un concert un petit peu particulier, puisque, bien sûr, la première partie met plutôt en avant les deux morceaux albums que Riot V a enregistrés, donc post-Mark Quill. Et la deuxième partie marque plutôt les 30 ans d'un des albums... préféré des fans d'un album culte, c'est Thundersteel. Justement, c'est le morceau qu'on va se mettre tout de suite maintenant, extrait donc de ce Live in Japan 2018. We'll be right back. Fight or Fall et Thunder Steel, donc deux extraits du Live in Japan 2018, la sortie au mois d'août de Riot V, la nouvelle incarnation des vétérans américains de Riot, qui j'espère vont continuer encore très longtemps. Ça fait toujours du bien, c'est peut-être pas le plus, qui est le plus original, mais ça fait toujours du bien, par où ça passe. Passons à quelque chose d'un petit peu plus actuel, entre guillemets, avec le nouvel album de Crobot, le quatrième album des Américains que je vous ai présenté la semaine dernière. Crobot, qui est un petit peu défini comme un groupe de stoner, enfin de groupe rock alternatif, je dirais plutôt, comme il y en a beaucoup. Avec une dose de funk, c'est ce que dit la bio sur le nouvel album. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était si funky que ça, mais enfin, malgré tout, il y a de très bonnes choses sur ce Mother Brain, comme par exemple le morceau Burned qu'on va se mettre maintenant. Blood full of chaos, mouth full of mud, bullets gaining rust that I left in my taste the blood on my tongue. Les Norvégiens de Bokassa avec leur nouvel album Crimson Rider, c'était Blunt Force Karma. Bokassa que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au Stade de France en première partie de Metallica, puisque c'est vraiment les petits chouchous de Lars Ulrich, ils ne jurent que par eux. Alors espérons que Bokassa ne subisse pas ce qu'on appelle le syndrome des groupes de première partie, comme par exemple, je pense avant eux à The Sworn, qui avait fait toute la tournée mondiale de Metallica sur l'album Death Magnetic, qui pourtant, par contre, n'arrive toujours pas à décoller malgré ce coup de pouce. On pense à des groupes comme The Answer qui avait fait aussi la première partie d'ACDC il y a quelques années sur la tournée Black Ice et qui évolue toujours d'un anonymat assez relatif. Enfin, espérons que Bokassa ne soit pas victime de cette malédiction. Juste avant Bokassa, c'était donc Crobot, groupe américain dont c'est le quatrième album qui s'intitule Mother Brain. Et là, c'était le morceau Burn. Maintenant, continuons avec la troisième nouveauté de la soirée et allons faire un tour très rock'n'roll du côté de Phil Lynn. Alors, Phil Lynn, c'est un chanteur, auteur, compositeur qui est passionné donc de rock, de blues et de prestations vocales. C'est, malgré que ce soit son premier album, on peut dire que ce soit pas un perdreau de l'année. Il a quand même évolué dans pas mal de formations. Et ce qui frappe vraiment quand on voit Phil Lynn, déjà, c'est sa ressemblance physique et vocal avec Johnny Hallyday. C'est vrai que par moments, on pourrait s'y méprendre. Mais par contre, il évolue quand même dans un univers plus rock. Imaginez des morceaux de Johnny s'ils avaient été un petit peu épurés de toutes les orchestrations quelque peu superflues pour vraiment faire un truc plus rentre-dedans. Donc son premier album qui est sorti fin juillet s'appelle Le Monde est sourd et le morceau que je vous invite à découvrir ce soir s'appelle Comme un rock, ça y va à merveille. Avancer sans jamais regarder derrière. Décider pour les autres du bien ou du mal, tout ça n'est pas pour moi leur monde idéal. Je vis ma vie à ma manière. Comme un rock, sans jamais baisser le dos ni courber les chines. Comme le roseau qui plie sous l'orage mais jamais ne se brise. Comme un rock toujours prêt au combat, rentrer dans l'arène. Comme un rock j'existe sans Dieu et ni chaîne. Depuis longtemps déjà je vis pour la liberté, pour ce à quoi je crois de leur vérité. Avancer sans jamais freiner ni reculer. Traverser le temps et les heures qui passent dans le monde idéal où ça passe ou ça casse. Personne ne décide jamais à ma place. Comme un rock sans jamais baisser le ton ni courber les chines. Comme le roseau qui plie sous l'orage mais jamais ne se brise. Comme un rock toujours prêt au combat. J'existe sans maître ni chaîne. Comme un roc, j'ai pris des coups, je suis tombé à genoux. Comme un roc, je me suis relevé et je suis debout. Comme un roc, solide comme le fer et la pierre. Comme un roc, je resterai debout jusqu'au. We'll be right back. Rock'n'roll, tout ça, bien sûr. C'était Awake, vous devez commencer à connaître, extrait de leur dernier album, Let's Party Down, et Awake, qui en profite donc pour célébrer, excusez du peu, leurs 25 ans de carrière également, à la star de Goth Mule. Et là, ce qui vient juste avant Awake, bah, lui aussi doit être à peu près du même âge que le gros. Mais c'est son premier album, c'est Phil Lynn, avec son premier album Le Monde est Sourd, et vous avez eu droit au morceau Comme un Rock, hein. Avouez qu'on aurait pu croire à un morceau de Johnny, très rock, voilà quoi. Revenons maintenant à quelque chose de beaucoup plus métal, avec un esprit très 70s que je vous ai présenté la semaine dernière et vraiment qui a été pour moi une belle découverte. Le premier album du groupe anglo-américain Tanis, qui nous fait un rock très 70s, très inspiré du début des 70s, avec un son vraiment d'époque. On aurait pu croire en écoutant que ça aurait été un album oublié de cette époque-là. Et chose surprenante, Batanis, c'est le projet de Rusty Pins, le guitariste de Satan, là, qui en profite pour en même temps prendre le chant. Et autre particularité de ce groupe aussi, qui est presque éthéré, on va dire, c'est que le chant se fait à deux avec la bassiste, où ils s'échangent les lignes vocales de façon très intéressante. Cet album s'appelle In Another Time. On va se faire Silas Tadel, Galantia Part 1. Voilà pour ce soir. search for something new. Leaving everything I ever knew. 100 years in the sunshine hasn't taught me all there is to know. In our surrender, tomorrow the plow becomes the sword. Make us stronger in our danger. Petit voyage dans le temps, puisque là nous étions en 1972 avec un groupe mythique de cette époque, c'était Wishbone Ash avec le morceau Warrior, extrait de leur album le plus connu Argus. C'est vrai que quand on écoute ça, on se demande qu'il n'y a pas à chercher bien loin où Iron Maiden a pu trouver ses influences pour les entrelacs de guitare, ça c'est clair. Donc Wishbone Ash, ça fait du bien de rentendre ça hein, quand même. Juste avant Wishbone Ash, c'était un groupe tout récent, puisque c'est sorti au mois de mai In Another Time, mais avouez que le style se mariait à merveille. C'était donc Tanis avec le morceau Citadel, Galantia Part 1 et Tanis, c'est le projet parallèle de Rusty Pins, le guitariste de Satan. Et bon, c'est clair que vu l'âge qu'il a, je pense que Wishbone Ash, ça doit faire partie de ce qu'il écoutait dans son adolescence et qu'il a dû s'arracher la peau des doigts à essayer de reproduire certains des chorus de ce groupe mythique. Et il est déjà 20h33 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, on a déjà attaqué la dernière demi-heure de l'émission. Et on va se faire encore une nouveauté, la dernière de la semaine. Alors maintenant, on va revenir en France, plus exactement auprès de, on va aller à Toulouse. On va retrouver un jeune groupe qui s'appelle Loud Anonymity, qui vient de nous sortir son premier album, qu'il va appeler tout simplement éponyme. C'est vrai que pourquoi appeler ça autrement? Alors Loud Anonymity, qu'est-ce qu'ils nous font comme rock? Eh ben, ils sont très influencés par ce qu'il y a eu dans les années 90, ce mélange de punk, de metal qu'on a appelé grunge. Et ça se ressent beaucoup sur beaucoup de morceaux sur cet album qui est donc sorti donc tout chaud, tout bouillant. Mais pour ce soir, je nous ai sorti un morceau qui tranche un petit peu sur cet album. C'est un instrumental qui s'appelle LA on Fire. Elle est on fire, un instrumental figurant sur l'album de Loud Anonymity, éponyme. Un instrumental flirtant avec le dub et très peu représentatif du reste de l'album. Hein, si vous voulez vous rendre compte, c'est juste que j'ai envie de faire une petite parenthèse. Voilà, c'est tout. Et bien maintenant, on va passer avec du pur métal avec un groupe de légende. C'est Saxon qui nous a sorti un fabuleux triple live pour leurs 40 ans de carrière, intitulé The Eagle Has Landed 40 Live. C'est vrai qu'au départ, quand j'avais vu ça, je me suis dit, tiens, ils ont retrouvé les bandes de l'époque de The Eagle Has Landed et ils vont nous sortir un concert intégral. Et en fait, non, non, pas du tout. C'est vraiment un triple CD bien rempli, puisqu'on y trouve des extraits de concerts entre 2007 et 2018. Avec quelques pépites, vraiment pas tirées des hannetons, puisque par exemple on a eu des extraits du concert de Wacken 2014 où Saxon a joué avec un petit orchestre classique. Bah, c'était la version que je vous ai passée de The Eagle Has Landed la semaine dernière, était extrait de ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a des duos, par exemple avec Phil Campbell, avec le regretté Fast Eddie Clark aussi, et ainsi qu'avec Andy Snip, et des extraits de pas mal d'autres choses, bien évidemment. Et pour ce soir, je dis, bah tiens, on va faire un petit tour sur la dernière tournée de Thunderbolt. D'ailleurs, Thunderbolt, si vous vous souvenez, ça a été vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2018. Je crois bien que j'ai passé tout l'album, tellement il m'avait bien botté. Leur concert parisien aussi m'avait vraiment foutu une belle claque. Donc, bien, on va se replonger dans cette atmosphère. D'ailleurs, Saxon est actuellement en tournée en Angleterre pour ça. Je sais pas du tout ce qu'il y a à la setlist. J'ai pas eu le courage de regarder. Mais bon, j'espère qu'ils viendront nous rendre une petite visite en France pour ça. En attendant, Thunderbolt. Thank you. Thank you very much. Fantastic. All right. I'm going to play you one more new song from the album. This one's called Sons of Odin. Thank you. Sons of Odin et Thunderbolt, donc deux extraits du triple live The Eagle Has Landed 40 Live, un achat indispensable si vous êtes fan de Saxon ou tout simplement si vous avez envie d'avoir un super best-of. Voilà. Et avouez que ces deux morceaux n'ont pas à rougir avec les classiques des années 80. Continuons avec un truc que j'ai un petit peu laissé de côté ces derniers temps. C'est le pack CD-DVD de Rose Tattoo qui était sorti au printemps dernier, Transmission on Air 1981, qui contenait donc des extraits de concerts enregistrés pour la télé allemande à Bremen et d'autres pour la télé française qui avait été diffusée dans Chorus à l'époque dans 81. Et sur le CD aussi figuraient quelques morceaux enregistrés live à la BBC, dont une version décapante de ce blues The Butcher and Fast Eddie qui nous raconte l'histoire d'un règlement de compte entre deux chefs de gang, bref, du furieux comme on l'aime. We'll be right back. butcher turned to his mates as they gathered round. Said, I got two good fists. A Sunday morning found poor Eddie. His own switchblade knife buried deep in his chest. And only the quick and the dead. Yes, yes, that's Eddie laying down. I'm sure that's Eddie laying down. Bon, un petit souci avec la fin du morceau de Rose Tattoo. Hein. C'était The Butcher and Fast Eddie, donc extrait du Transmission on Air 1981. Voilà, ça fait toujours du bien, un bon blues comme ça. 20h58, bon, on a encore 2 minutes. On se fait quoi maintenant? Eh bien, tiens, si on terminait avec du Furieux, avec le Death Angel Humanicide, ce que j'ai un petit peu laissé de côté ces derniers temps, je pense que ça va être impeccable pour tenir jusqu'à mardi prochain. Et voilà, donc c'était le dernier morceau d'Electric Shock ce soir, Ghost of Me, Death Angel, voilà, qui clôture donc ce 625e numéro d'Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir suivi une fois de plus Electric Shock. Eh bien, j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine avec d'autres nouveautés, bien évidemment. D'ici là, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. Je vous rappelle, Radio Arc-en-Ciel, c'est sur 96.2, bien évidemment. Salut à tous, bonne semaine!